Chapitre 38e. La vie de Paris avait repris son cours. Sur les pavés, lavés et remis en place, les voitures roulaient comme autrefois et peut-être même plus vite, car les misérables chevaux d'autrefois avaient été mangés et remplacés par d'autres, qui n'avaient pas encore eu le temps de prendre l'allure chaotante du fiacre parisien. Dans les magasins, les étalages se montraient riches et brillants derrière les glaces, dont plusieurs étaient maintenus par des bandes de papier blanc collées sur les fêlures et les trous étoilés faites par les balles. Dans les rues, sur les boulevards, on se hâtait aux affaires, au travail ou au plaisir, car Paris vivait encore. 4 mois de guerre étrangère, 2 mois de guerre civile, la misère, la faim, la maladie, le bombardement, l'incendie, le canon prussien, le pétrole français, n'avaient pas pu le tuer. Il était resté debout. Et maintenant ces ruines étaient une attraction comme autrefois l'avaient été ces monuments. Elles avaient même leur beauté, ces ruines toutes neuves, et si devant elles le patriote humilié hâtait le pas en détournant les yeux, l'artiste s'arrêtait et levait la tête pour admirer leur horreur grandiose. Le temps, la nature, n'étaient pour rien dans cet immense effondrement qui était tout entier l'ouvrage de l'homme, et en s'éloignant se répétaient tout bas ces 2 mots de la foi moderne, civilisation, humanité. Dans les quartiers industriels, le travail avait repris. Les cheminées des usines fumaient. Les machines faisaient trembler les murs des ateliers. Et en passant sur les trottoirs, on entendait sortir des cours le ronflement des volants ou le tapage des marteaux. Cependant, plus d'un établi était inoccupé. Plus d'un étau restait silencieux. Plus d'un métier se rouillait, car les bras qui les faisaient marcher autrefois manquaient maintenant. Les uns avaient été cassés par les balles, les autres s'étiolaient dans l'oisiveté des prisons. Plus heureux que bien d'autres, l'atelier de la rue de Charonne, dans lequel se sont passés plusieurs événements de ce récit, n'était point silencieux, et comme autrefois, on y entendait le bruit du maillet. Michel s'était remis au travail, ou plutôt, il s'y était jeté avec l'ardeur de la fièvre. « Il faut rattraper le temps perdu, » disait Denisot, qui était venu s'établir près de lui. « Ça, c'est juste. Mais il faudrait voir pourtant à ne pas s'en faire mourir. Le matin, le jour, le soir, c'est trop. » Michel ne répondait rien, mais il continuait de travailler, et le lendemain matin, il ne restait pas 5 minutes de plus au lit. Un lundi du mois de juillet, un coupé attelé de 2 beaux chevaux s'arrêta devant la grande porte, et Thérèse sauta vivement à terre, soutenue par la main du colonel. « Quand rentrerez-vous ? » demanda celui-ci. « Mais quand voulez-vous que je rentre ? » ?»« Ce n'est pas cela que je veux dire. Je vous demande par simple curiosité si vous savez quand vous rentrerez. »« Mais non, je n'en sais rien. Alors à ce soir. » Et le coupé s'éloigna, tandis que Thérèse entrait dans la cour de la maison où elle était née et où son enfance s'était écoulée. Bien qu'elle descendît d'une voiture élégante, sa toilette était des plus simples, et plutôt celle d'une ouvrière que d'une femme qui se promène dans un équipage traîné par des chevaux de 30 000 francs à la paire. Elle portait une robe de toile écrue avec un mantelet de même étoffe, et son chapeau, sans plumes et sans fleurs, était orné d'un ruban uni. Après avoir franchi la grande porte, elle s'était dirigée vers la loge du concierge. « Tiens, c'est qu'à celui-ci, c'est Thérèse. » Mais sa femme s'empressa de lui couper la parole. Moins primitive que son mari, elle trouvait cette familiarité déplacée avec une jeune personne qui devait le lendemain même épouser le riche colonel Chamberlain. « Bonjour, mademoiselle » s'écria-t-elle vivement d'une voix glapissante. « Vous allez bien, mademoiselle Thérèse ?» Et ayant rudement repoussé son mari, elle prit sa place près de la porte. Au moins, elle l'empêcherait bien ainsi de commettre quelque nouvelle sottise. Appeler Thérèse tout court une jeune fille qui allait être millionnaire, et cela parce qu'il l'avait vue jouer dans la cour étant enfant. Eh bien, après, qu'est-ce que cela prouve? Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, mademoiselle Chamberlain? Continua la concierge. Savez-vous si Michel est à l'atelier? Non, mademoiselle Chamberlain, monsieur Michel est sorti, à preuve que je lui ai rendu son salut. Mais monsieur Denisot est là-haut. Monsieur Antoine se porte bien, n'est-ce pas? « Très bien, je vous remercie. Ah, il doit être bien heureux. Pour moi, je suis bien heureuse rapport à votre mariage. Mon époux aussi est bien heureux, mademoiselle Thérèse. Tous nos souhaits de bonheur, mademoiselle. » Thérèse monta rapidement l'escalier qu'elle avait gravi tant de fois. En arrivant sur le palier, elle entendit Denisot qui chantait à tue-tête dans l'atelier. Elle poussa la porte, mais Denisot, qui s'écoutait chanter, n'entendit pas le bruit de peine. Ce fut son Pierrot, comme toujours perché sur sa tête, qui, par des piaulements et des battements d'ailes, le força à se retourner. En apercevant Thérèse, il poussa un cri. « En voilà une surprise. Et Michel qui n'est pas là ? Il me semble que son absence ne vous attriste pas. » C'est-à-dire que comme Michel n'aime pas qu'on chante quand il est là, parce que ça l'agace, vu qu'il est devenu nerveux, je profite de son absence pour m'en dérouiller la voix. Parce que le chant, c'est un bon exercice pour les poumons, ça les fortifie. Mais c'est ce pauvre Michel qui va être fâché. Est-ce qu'il ne doit pas rentrer? Si, mais je ne sais pas quand. Eh bien, je vais l'attendre. Je venais justement passer la journée avec vous. Ça, c'est gentil, bien gentil. Mais ce qui serait tout à fait gentil, ce serait de rester à souper. J'ai un bœuf à la mode, il faut voir ça. Sûrement le chef de la rue de Courcelles a du talent, mais quand il voudra concourir pour le bœuf à la mode, je suis son homme. Eh bien, je resterai à souper. Elle ôta son chapeau et son mantelet. Alors elle entra dans la cuisine, où tout était exactement dans le même état qu'autrefois. Il n'y avait qu'un seul changement, et tout de suite, il lui sauta aux yeux. Le portrait d'Anatole qu'elle avait accroché elle-même à la muraille, le jour où le colonel l'avait rapporté du Havre, n'était plus à sa place. Pourquoi? Elle n'osa le demander. Car il s'était établi, à propos de son frère, un mystère qu'elle avait peur de pénétrer, et que l'enlèvement de ce portrait rendait plus effrayant encore. Qu'avait-il donc fait pour que Michel, qui s'était toujours montré si indulgent pour lui, eût enlevé ce portrait alors qu'il avait religieusement conservé l'aspect de ce logement? « Vous voyez, » dit Denisot, qui ne s'aperçut pas de ce qui se passait en elle, « tout est ici comme autrefois. Michel seulement a pris la chambre d'Antoine. »« Et la mienne ?» demanda-t-elle. « Oh, on n'y a pas touché. Entrez donc, vous allez voir, c'est la chapelle. » La grande table en bois blanc, sur laquelle elle travaillait autrefois, était toujours à la même place. Les rideaux en perse fleurie étaient tirés devant le lit, les lèvres étaient rangées sur les rayons de la bibliothèque, et le carreau rouge était aussi soigneusement frotté, aussi brillant qu'il l'avait jamais été. Tous les objets nécessaires à la peinture sur porcelaine n'avaient point été enlevés, mais à côté d'eux se trouvait un encrier plein d'encre, des crayons et une pancarte, qui indiquait qu'on travaillait là. « C'est là que Michel fait ses croquis, » dit Denisot, « et quand il est enfermé, personne n'a le droit de le déranger. » Thérèse se détourna du côté de la fenêtre et regarda la plateforme qui avait été autrefois son jardin. Elle était nue, sans plantes et sans fleurs. Alors une idée se présenta à son esprit. « Est-ce que Michel doit bientôt rentrer ? » demanda-t-elle. « Pas avant une heure. » « Nous avons donc le temps d'aller au château d'eau et d'en revenir avant son retour. C'est aujourd'hui marché aux fleurs. Je voudrais lui faire la surprise de lui arranger son jardin. »« Ça, c'est encore très gentil, » s'écria Denisot. Et vous pouvez être certaine à l'avance que vous le rendrez bien heureux. » Elle reprit son mantelet et son chapeau, et ils partirent pour le marché aux fleurs du château d'eau. En chemin, Denisot, qui avait ordinairement la langue bien pendue, garda un silence embarrassé, comme s'il avait à dire quelque chose qu'il n'osait pas dire. Ce fut seulement au moment d'arriver qu'il se décida. « Vous ne m'en voudrez point, n'est-ce pas, dit-il, si je ne vais pas demain à la cérémonie. Et pourquoi ne viendriez-vous pas ? Parce que Michel ne peut pas y aller, rapport aux idées qu'il a eues autrefois. Alors je ne voudrais pas le laisser seul. Il me semble que si je lui tiens compagnie, il sera moins triste. Nous irons au moulin flottant. C'est vous qui avez eu cette idée du moulin flottant ? Non, c'est lui. Eh bien, allez au moulin flottant. Bien loin de vous en vouloir, je vous remercie pour votre bonne pensée. » Le marché aux fleurs n'était pas aussi riche en plantes exotiques que beaux jours d'autrefois. La gelée, pendant le siège, avait fait de terribles ravages dans les serres sans feu. Mais enfin, il y avait encore des plantes rustiques, qui, pour être plus communes, ne sont pas moins belles. Thérèse trouva facilement une collection de rosiers en boutons, et Denisot fut l'homme le plus heureux du monde quand elle consentit à y joindre un myrte. Ils revinrent rue de Charonne, et ils eurent le temps d'arranger les rosiers sur la plateforme avec de la mousse, avant le retour de Michel. Le lendemain, quelle surprise pour lui! Cela fait, Denisot s'occupa de mettre la table, mais brusquement il se donna sur le crâne un coup de poing. « Qu'est-ce qu'il y a donc ? » demanda Thérèse. « Il faut que vous sachiez que Michel se sert maintenant de votre couvert et de votre couteau. Je viens de les mettre à sa place, tandis que c'est à vous que je dois les donner. »« Non, » dit-elle, « laissez-les à Michel. » Et une fois encore, elle se détourna pour cacher son trouble. Bientôt, on entendit un bruit de pas dans l'escalier. C'était Michel qui rentrait. « Ne bougez pas !» dit Denisot. « Je vais lui faire une surprise. » Et vivement, il passa dans l'atelier dont il repoussa la porte. « Eh bien, tu es en retard, » dit-il d'un ton de reproche. « Quand tu verras que nous avons à souper, tu en seras fâché. »« Nous avons quelqu'un à souper, » dit Michel d'une voix mécontente. « Entre. » Et Denisot ouvrit la porte. « Thérèse ? » ?»« J'étais venu pour passer ma dernière journée avec vous, et ne vous trouvant pas, je suis resté à souper. » Michel s'était appuyé contre le mur et il avait pâli. au point qu'on pouvait croire qu'il allait défaillir. Mais peu à peu, il se remit. « Votre dernière journée ?» dit-il machinalement et sans trop savoir ce qu'il disait. « Oui, nous partons après-demain pour l'Italie. Nous nous embarquerons à Marseille sur un vapeur que mon cousin a fait acheter en Amérique. De l'Italie, nous passerons en Grèce, puis en Égypte, puis dans l'Inde, puis en Chine, puis en Californie. Et pendant que notre vapeur fera le tour de l'Amérique, nous visiterons les États-Unis et nous nous embarquerons enfin à New York pour revenir au Havre. C'est un voyage de 2 ou 3 ans. » Elle avait débité ce petit discours assez lentement, comme pour donner à Michel le temps de reprendre son calme. Mais ce ne fut point ce qui se produisit. « Et votre père ? » dit-il. « Mon père devait venir avec nous, mais décidément, il part pour l'Allemagne. Il veut reprendre sa tâche, que la guerre a interrompue. Il vous verra d'ailleurs et vous expliquera ses idées. Il n'est nullement découragé. » Il se fit un silence. « À table ! » dit Denisot. Ils se mirent à souper. Comme bien souvent ils avaient soupé, autrefois tous trois ensemble, lorsqu'Antoine se trouvait retardé. Peu à peu le trouble de Michel s'apaisa, alors il put jouir du bonheur de leur présence. Il n'avait pas cru la revoir. Elle était devant lui, souriante, affectueuse. Elle avait voulu lui donner cette journée. Ils parlèrent du passé. Que de souvenirs il y avait en lui. Elle était émerveillée de tout ce qu'il lui rappelait. Les heures s'écoulèrent vite. Elle dut penser à rentrer. « Êtes-vous fatigué ? » dit-elle. Ils répondirent qu'ils ne l'étaient pas. « Alors voulez-vous me reconduire ? Nous nous en irons à pied. » Denisot, voulant les laisser seuls, déclara qu'après tout, c'était bien loin. Mais Michel ne lui permit pas de rester. Il sentit bien que ce n'était pas un tête-à-tête qu'elle avait voulu. Ils descendirent. Elle prit son bras. Ils se mirent en route par la rue Saint-Antoine et la rue de Rivoli. Bien que la course soit longue de la rue de Charonne au parc Monceau, elle fut si courte pour Michel qu'il s'arrêta stupéfait en arrivant aux Champs-Élysées. Et quoi, déjà ? Alors il ralentit le pas. À mesure qu'ils approchèrent de la rue de Courcelles, ils allèrent moins vite. Il ne parlait plus. Et de temps en temps seulement, il prononçait quelques mots. Au moment où ils arrivaient devant l'hôtel, Thérèse, qui tenait toujours sa main posée sur le bras de Michel, sentit tomber sur son poignet une goutte chaude. Il fallut se séparer. Ce fut Michel lui-même qui poussa la porte devant Thérèse. Puis, lorsqu'elle fut entrée, lui fit un signe de tête, le dernier, ce fut lui qui referma cette porte. C'était fini. Il était seul et désormais il vivrait seul. Le lendemain soir, à la même heure, l'hôtel Chamberlain était resplendissant de lumière et par les grandes portes, ouvertes à deux battants, les voitures venaient déposer devant le perron orné de fleurs les invités du colonel. Précisément parce qu'il partait le lendemain pour un voyage de plusieurs années, le colonel avait voulu célébrer son mariage par une fête, et bien que tous ceux avec lesquels il était en relation depuis son arrivée en France ne fussent point encore entrés à Paris, les salons de son hôtel se trouvaient trop étroits pour contenir ceux qui avaient répondu à son invitation. C'était la première fête qu'on donnait à Paris depuis la guerre, et puis on avait la curiosité de voir cet hôtel qui venait d'être restauré et entièrement meublé à neuf. Enfin, on allait savoir au juste ce qu'était cette cousine qu'il choisissait pour femme. Chose étrange, il y avait pour ainsi dire unanimité dans les sentiments exprimés. L'hôtel était merveilleux de luxe et de goût. La femme était vraiment charmante, si séduisante même que ceux qui ne connaissaient pas intimement le colonel refusaient de croire que cette jeune femme fût la fille d'un ouvrier. Jusque vers minuit, le colonel montra à ses invités un visage souriant, plein de joie et de bonheur. Mais à ce moment, ceux qui le regardaient virent son front s'obscurcir. Il venait d'apercevoir le baron Lazarus qui se dirigeait vers lui. « Combien je remercie la Providence, s'écria le baron, de me permettre d'arriver à temps pour vous apporter en personne mes félicitations le jour même de votre mariage. Je ne suis à Paris que depuis ce matin, et ma première visite est pour vous. » Le colonel devait parler d'Ida, et il le fit avec un certain embarras. « C'est elle précisément qui a retardé mon retour, ou plutôt ce sont les préparatifs de son mariage. Ah, elle se marie. Mon Dieu, oui, elle accepte le grand-duc de Wüstgersdorf. C'est un mariage magnifique qui fera d'elle une altesse. Mais néanmoins, elle a eu grand-peine à se décider. Elle a obéi à la raison. Un autre mariage, que je vous annonce aussi, c'est celui de Mademoiselle Belmonte. En tout cas, elle a débuté à l'opéra de Vienne sous le nom de Carmelita Bejo. Quelle chute, après de si orgueilleuses visées! Mais le colonel n'en entendit pas davantage, car il venait d'apercevoir, s'avançant dans le salon au bras de M. le Méauté, la marquise de Lucilière. Si l'apparition du baron l'avait gênée, celle de la marquise l'effraya. Que voulait-elle? Pourquoi se présentait-elle dans une maison où elle n'avait point été invitée et où tout lui faisait une loi de ne pas se montrer? Avec une tête telle que la sienne, toutes les craintes étaient permises. Cependant, elle continuait de s'avancer, répondant par des sourires aux regards étonnés qui la suivaient. Elle vint ainsi jusqu'au colonel et, avec une aisance pleine de grâce, elle lui tendit la main. Tous les yeux étaient fixés sur eux, car tout le monde savait quelle avait été leur intimité. « C'est un remerciement que je viens chercher, » dit-elle. « Un remerciement. Comment? Vous ne l'avez pas préparé? Eh bien, pensez-y. Vous me l'adresserez tout à l'heure. » Et elle baissa la voix, quand ses regards curieux qui nous dévisagent seront occupés ailleurs. Et elle alla s'asseoir auprès de Thérèse, à laquelle elle débita un chapelet de compliments et de chatteries. Inquiet, le colonel se rapprocha d'elle pour entendre ce qui se disait, car c'était avec angoisse qu'il se demandait quelle perfidie pouvait se cacher sous cette amabilité. Au bout de quelques instants, la marquise l'appela d'un signe de tête. « Cette chère enfant vous a-t-elle répété ce que je lui ai dit dans une visite que j'ai eu le plaisir de lui faire pendant le siège ?» demanda-t-elle. Thérèse parut confuse. « Non, » répondit le colonel, dont l'inquiétude allait croissant. « Comment non ? Eh bien, il faut alors que je vous l'apprenne moi-même. Voulez-vous me donner votre mari pour une minute, ma chère belle ?» Sans attendre la réponse de Thérèse, elle prit le bras du colonel. Traversant l'enfilade des salons au milieu de la stupéfaction générale, ils gagnèrent le jardin. « Avouez que vous avez une belle peur, » dit la marquise, lorsqu'elle put parler sans crainte d'être entendue. « Eh bien, vous vous trompez. Quand je suis venue voir votre petite cousine, je ne lui ai dit qu'une chose, qui était que vous l'aimiez, et qu'il devait sans crainte s'abandonner au sentiment de tendresse qu'elle éprouvait pour vous. Maintenant, commencez-vous à comprendre que vous avez eu tort de me juger comme vous l'avez fait. Toujours et en tout, je n'ai voulu que votre bonheur, parce que je vous aimais. Mais vous ne l'avez pas cru. Le croirez-vous maintenant? Quand vous penserez à moi, rappelez-vous ma vengeance. » Le colonel ne savait que répondre. Par bonheur, M. le Méauté, en s'approchant d'eux, le tira d'embarras. « Ah, voici notre cher président, » s'écria la marquise. « Je vous laisse avec lui. Il apparaît-il des choses importantes à vous dire. » Et elle rentra. Ce que M. le Méauté avait d'important à lui apprendre, le colonel croyait le savoir. C'était le résultat des démarches qu'il lui avait demandé de faire en faveur de Sauriol emprisonné. « Il n'y a pas de charge grave contre M. Sauriol, » dit M. le Méauté, « et puisqu'il n'a pas été fusillé sur le champ, il paraîtra devant le conseil de guerre comme accusé d'usurpation de fonction, ce qui lui vaudra 3 mois ou 6 mois de prison au plus. Mais j'ai une nouvelle autrement sérieuse à vous apprendre. Depuis longtemps, la police était sur la trace de... Mon Dieu, il faut bien l'appeler par son nom, d'Anatole Chamberlain. En effet, il était caché chez Raphaël depuis la fin de mai. On l'a arrêté ce matin. Hélas, rassurez-vous, il ne passera pas en justice. Il s'est empoisonné et il est mort en arrivant au dépôt. Il savait ce qu'il attendait. Sa complicité était prouvée dans les incendies et dans l'exécution des otages, particulièrement dans celle du malheureux Jecker. Au point de vue historique, le jugement eût été curieux. On eût peut-être découvert pourquoi ce banquier suisse, qui savait tant de choses, a été assassiné. « Comme nous partons demain, » dit le colonel, « je pourrais sans doute cacher cette mort à ma femme. » C'était son frère, après tout, et de lui, elle ne connaissait que ses années d'enfance. La fête se prolongea longtemps après que le maître et la maîtresse de la maison se furent retirés, et ce fut devant Horace, veillant au bon ordre, que les derniers invités défilèrent. Quand celui-ci eut refermé la porte du vestibule, il se dirigea vers l'escalier pour monter à sa chambre, mais à ce moment, le maître d'hôtel l'arrêta. « Pourquoi n'avez-vous pas été vous coucher, monsieur Horace? Vous serez bien fatigué tantôt pour vous mettre en voyage. »« Je ne pars plus. Mon colonel, avant de se retirer, m'a dit qu'il me laissait à Paris pour régler des affaires importantes qui se présentent à l'improviste. » Cela n'arrangeait pas le maître d'hôtel, qui avait espéré diriger la maison pendant la longue absence du colonel. « Vous devez être bien fâché, » dit-il. « Oui et non. Oui, parce que cela me peine de me séparer de mon colonel. Non, parce que cela me séduit de rester à Paris. » Pendant la guerre et la commune, j'ai eu bien peur que Paris ne fût perdu. On parlait d'un tas de réformes effrayantes, mais je vois que les choses reprennent leur cours. Il y aura encore de beaux jours et de belles nuits pour ceux qui veulent s'amuser. Vive Paris !» Et c'est ainsi que s'achève Thérèse, le 4e tome et dernier, de l'Auberge du Monde par Hector Malot.